السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Donc on était arrivé après l'introduction, alhamdoulilah, de Cheikh al-Islam Mohamed ibn Abdelwahab, rahimahullah ta'ala, expliqué par Cheikh Abdullah ibn Abdelrahim al-Bukhari, hafidahullah ta'ala. On est arrivé à la première règle. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, inshallah. Et donc aujourd'hui, on devrait terminer, c'est le septième cours qu'on fait, on devrait terminer le premier cours en arabe de Cheikh Abdullah al-Bukhari, avec les questions-réponses. Donc vous voyez qu'il y a trois cours, on avait dit. Le premier cours, il va nous prendre sept cours en français. D'accord ? Donc plus ou moins en moyenne, ça devrait être peut-être ça, un peu plus long, un peu plus court, ça dépend de la vitesse à laquelle on va. Mais à la kulli hal, il y a trois cours en arabe à la base de Cheikh Abdullah ibn Abdelrahim al-Bukhari, hafidahullah ta'ala. Et donc il dit, قال رحمه الله أي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق والمدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Donc, il, c'est-à-dire Cheikh al-Islam Mohamed ibn Abdelwahab, car il fasse miséricorde, il dit la première règle. Donc, on avait déjà vu la traduction, on ne va pas répéter. Alhamdoulilah, certains frères ici, même plusieurs frères, alhamdoulilah, l'ont répété par cœur, parce qu'ils l'ont mémorisé, le wallah alhamd. Donc, cette introduction, on l'a finie. Maintenant, on rentre directement dans le vif des quatre règles, le Qawal Arba, et il commence directement par la première règle. C'est des frères qui veulent réciter, qui se fassent, qu'ils le fassent savoir. Sinon, on continue directement. Ou s'ils veulent le faire après, on le fait après, c'est pas un problème. Fadal ? Qa'idatul oula. An ta'lama anna al-kuffar alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliq al-raziq al-mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fi al-islam wa ad-dalilu qawluhu ta'ala qul man yarzuqukum min as-sama'i wal-ard أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. جزاك الله خيرا. Quelqu'un d'autre peut-être ? Non ? تفضل. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام ودليل قوله تعالى قل أفمن يملك قل أفمن يرزقكم من السماء قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار أمن يملك أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. أحسن جزاك الله خيرا. Quelqu'un d'autre ? Personne ? Continue directement, inshallah. C'est très bien que certains frères mémorisent. Peut-être que d'autres l'ont mémorisé, parce que je sais qu'il y en a certains qui mémorisent et qui sont un peu pudiques, on va dire, et qui n'osent pas trop parler devant les gens. Alhamdoulilah, ce n'est pas un problème. Mais on avait dit que c'est une des manières aussi de qu'on apprenne à parler un peu et à réciter devant autrui, etc. Et donc, si les autres qui n'ont pas étudié veulent réciter plus tard ou veulent réciter tout le texte plus tard, ce n'est pas un problème. C'est un texte qui est assez court, que quelqu'un peut mémoriser en une journée, en deux journées ou en trois journées, chacun en fonction de... Hein, ou petit à petit, comme on le fait maintenant pendant les cours. C'est ce que j'ai toujours conseillé, c'est de faire petit à petit, comme ça on regroupe entre la mémorisation et l'explication, la compréhension du texte. Donc, c'est quoi cette première règle que Cheikh l'Islam Mohamed ibn Abdelwahab, rahimahullah, il dit que tu saches que les mécréants, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a combattu, reconnaissait qu'Allah le Très-Haut est le Créateur et celui qui administre, et cela ne les a pas fait entrer en islam. Et la preuve de cela est la parole d'Allah, le Très-Haut, dont la traduction du sens est, c'est de Sourate Younes, verset 31, dit: qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue? Et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant? Et qui administre tout? Ils diront: Allah. Dit alors: ne le craignez-vous donc pas? Maintenant, l'explication de cette première partie ou de cette première règle de Cheikh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari, hafidahullah ta'ala. Il dit: na'am, hadi oul al-qawa'id, ba'da hadi al-muqaddim, ou hadi al-tamhid al-ladi hayya'aka lahu l'imam Muhammad. مقدمة نفيسة عظيمة فيها دقيق المسائل وعظيمة الفوائد. بدأ رحمه الله بالقاعدة الأولى, والقواعد كما قلنا إنها الأساس. القاعدة معناها الأساس. On avait déjà vu dans l'introduction, c'était quoi dans le معنى اللغوي, c'était quoi le sens du mot قاعدة. قال: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى, أي الذي في الآية, صدر آية سورة يونس. الكلام عند هذه القاعدة أو عن هذه القاعدة من وجوه. Donc Cheikh Abdullah, حفظه الله تعالى, Cheikh Abdullah al-Bukhari, il commence son explication en disant: oui, ceci est la première des règles après cette introduction et ce préambule auquel l'imam Mohammed t'a préparé, عليه رحمة الله. Une introduction précieuse. On a vu, subhanallah, ce côté précieux et ses nombreux bénéfices qu'il a, Cheikh l'Islam, il a donné dans la Muqaddima, et qu'il y a certaines parties, notamment la doua, etc., qui étaient prises de quel Cheikh, de quel imam? Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. On avait vu tout ça. À la Kulihal, les audios, les PDF sont sur notre site, pour ceux qui n'étaient pas là. Et donc il dit ici, ceci est la première des règles après cette introduction et ce préambule auquel l'imam Muhammad, alayhi rahmatullah, t'a préparé. Une introduction précieuse et importante dans laquelle il y a des points parmi les plus précis, et dans laquelle il y a des bénéfices importants. Elle a commencé, qu'Allah lui fasse miséricorde, par la première règle. Et le qawa'id, comme nous avons dit, c'est le pluriel de qa'ida, qawa'idu, on avait déjà dit ça l'autre fois. Le qa'ida, la règle, son sens, c'est l'assas. On avait dit que c'est très facile à retenir. Le qa'ida, l'assas. Dans le sens linguistique du terme. Le qa'ida, c'est quoi l'assas, la base? Et il dit, rahmatullah alayh, que tu saches que les mécréants, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a combattu, reconnaissaient qu'Allah, le trio, est le créateur, et celui qui a le ministre, Al-Mudabbir, et cela ne les a pas fait entrer en islam. Mais la preuve de cela est le verset. C'est-à-dire le verset de Sourate Younes, on a dit que c'est Sourate Younes, verset 31. Et puis le Cheikh, il dit, le commentaire de ce passage se fera sous plusieurs angles. Le premier angle, l'ojal l'awwal. Qala an ta'lama. Il a dit, al-qa'idatul oula, an ta'lama. An ta'lama, idha kunta ahlan lil'ilmi fa'alam amma man lam yakun ahlan lihada al-khitab fa'innahu lan ya'lam. إذن هذا تنبيه على أنه إن كنت من أهل الخطاب فتأمل ما سأذكره لك وأعرفه وأعرفه واستفيد منه. Je pose une hamza de قطع ici, je crois aussi. Alors qu'en normalement, c'est peut-être وأعرفه, peut-être une erreur d'orthographe de la personne qui a fait le tafriq. واستفيد منه أن تعلم أن الكفار يريد أن يعلمك بالدليل. أما قال رحمه الله أن هذه القواعد الأربع ذكرها الله في كتابه, جاء بالقاعدة مع ماذا؟ مع دليلها. ليربيك يا طالب العلم على معرفة الحق بدليله, أن تعرف الحق بدليله. Donc le premier angle de l'explication de Cheikh al-Bukhari hafidhahullah, il dit que tu saches. Parce que Cheikh l'Islam, il a dit quoi? La première règle est, c'est-à-dire que tu saches, أن تعلم, que tu saches. Si tu es apte à la science, alors sache. Mais celui qui n'est pas apte à cette parole adressée, alors il ne le saura jamais. Donc ceci attire l'attention sur le fait que si tu es apte à cette parole adressée, alors médite au sujet de ce que je vais te dire et connais-le, et que cela te soit bénéfique. Que tu saches que les mécréants, ils veulent t'apprendre avec la preuve. N'a-t-il pas dit qu'Allah lui fasse miséricorde? Ça, on avait déjà dit ça dans l'introduction. Il avait dit « وَدَلِكَ بِمَعْرِفَتِي أَبَعَ قَوَعِدَ ذَكَرَهَ اللَّهُ تَعَلَى فِي كتابه. Quatre règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, il a cité dans son livre. Donc on avait dit que les règles sont tirées de quoi? Du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit ici, n'a-t-il pas dit qu'Allah lui fasse miséricorde qu'Allah a cité ces quatre règles dans son livre? Il a donc amené la règle avec quoi? Avec sa preuve, afin qu'il t'éduque, ou l'étudiant en sciences islamiques, à connaître la vérité avec sa preuve. Et Cheikh Abdullah al-Bukhari, dans une question qui va revenir dans les questions-réponses après, il va revenir sur ce point de, quand on cite quelque chose, de le citer l'asl, et le wajib, c'est de le citer avec la preuve. D'accord? Cheikh, il dit donc il veut t'apprendre avec la preuve que ces mécréants que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu lorsqu'il fut envoyé aux gens. فَوَيُرِيدُ أَنْ يُعْلِمَكَ الْحَقِّ بِالدَّلِيلِ أَنْ هَؤُلَاءِ الْكُفَّارِ الَّذِينَ قَتَلَهُمُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بُعِثَ إِلَى النَّاسِ أُولَئِكَ كَانُوا مُقِرِّينَ بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ وَهُوَ قَوْلُهُ مُقِرُّونَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ الْخَالِقُ الْمُدَبِّرُ فَإِذَا هُمْ مُقِرُّونَ وَمُؤْمِنُونَ بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ إِلَّا أَنَّهُمْ لم يخلصوا العبادة لله جل وعلا فهذا الإقرار لم ينفعهم إذ لم يدخلهم الإسلام ولم يخرجهم من الكفر ولهذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ما آمنوا بالله جل وعلا حق الإيمان. Donc Cheikh il dit, donc il veut apprendre sur l'islam Mohammed bin Al-Wahhab rahimahullah avec la preuve que ces mécréants que le prophète صلى الله عليه وسلم a combattu lorsqu'il fut envoyé aux gens qu'il reconnaissait l'unicité de seigneurie Tawhid al-Rububiyyah. Et c'est sa parole, Muqirroun, reconnaissait qu'Allah le Très-Haut est le Créateur et celui qui administre. Donc, ils reconnaissaient et croyaient à l'unicité de Seigneurie, Tawhid al-Rububiyyah. Mais ils n'ont pas voué une adoration exclusive à Allah le Très-Haut, et donc cette reconnaissance ne leur a pas été utile. Et ne les a pas fait entrer en Islam, et ne les a pas fait sortir de la mécréance. Et c'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a combattus, car ils n'ont pas cru en Allah le Très-Haut, de la vraie croyance. Puis Cheikh il dit, avant que nous passions au deuxième point, parce qu'on a dit qu'il y avait plusieurs angles sous lesquels il allait expliquer ce passage-là de Cheikh l'Islam, rahimahullah, il dit, avant de passer à ce deuxième point, ce deuxième angle, قبل أن ننتقل للأمر الثاني تتمة هم مقرون بتوحيد الربوبية غير مخلصين لله في العبادة تأمل ما تقدم أن الشرك يفسد العبادة كما أن الحدث يفسد الطهارة. On avait expliqué que Cheikh Khalid Abdurrahman, le premier dieu de Qal Arba, il avait dit pourquoi Cheikh l'Islam il était précis. Il n'a pas dit qu'al hadathi ida dakhala fil wudu. Il a dit tahara, parce que la purification. Regardez, les ulama, quand ils parlent, ils sont précis, ils savent ce qu'ils disent. Yufsidu tahara fa'indahum iqrar bi tawhid rububiyya, lakin indahum shirk fi tawhid ou fi tawhid ilahiyya, fa'afsada shirkuhum fi tawhid l'uluhiyya, ibadatahum kullaha. Donc il dit, Cheikh, avant que nous passions au deuxième point, un complément. Il reconnaissait l'unicité des seigneuries sans vouer une adoration exclusive à Allah. Il parle de qui ici, Cheikh Abd al-Bukhari? Quand il dit il, naam, hein? Les associateurs. Il dit, mais dites ce qui a précédé en ce que l'association corrompt l'adoration, comme le hadith corrompt la purification. Et donc, ils ont une reconnaissance de l'unicité des seigneuries. Mais ils ont une association dans l'unicité des divinités, et donc leur association a corrompu toute leur adoration dans l'unicité des divinités. D'accord? Alors, j'avais dit qu'il y a un tafsil fait par Cheikh Khalid Abdurrahman en ce qui concerne le Hubut, qu'on avait parlé du fait que ce soit annulé ou pas. Est-ce que c'est toutes les actions d'une personne qui soient annulées? Ça, c'est quand que c'est le cas? C'est le Shirk al-Akbar. Et puis. Il y a certaines actions où l'action elle-même est annulée, mais l'islam de la personne reste. Hein, et ça n'annule pas toutes les actions. Revenez à la première audio de Cheikh Khalid Abdurrahman sur le site Nahj al-Wadih. Ça, c'est des notions qu'on a déjà vues dans les cours précédents. Surtout dans le cadre de l'islam, on avait déjà vu ça. Deuxième angle, il dit le Cheikh Al-Amr Thani. أن الإقرار بربوبة الله جل وعلا مع صرف شيء من العبادة لغيره لا يسمى توحيدا. أو لا يعتبر توحيدا منجيا ولا يسمى توحيدا منجيا أي لا ينجيك بأن يدخلك الجنة وينقذك من النار فهذا ليس توحيدا منجيا وبينه أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم ينفعهم فلم يخرجوا من الكفر ولم يدخلهم الإسلام. Deuxième angle d'explication de cette première règle de Cheikh l'Islam Mohammed Al-Wahhab rahimahullah, la reconnaissance de l'unicité des seigneuries en vouant une adoration à autre qu'Allah n'est pas appelée unicité. Ou n'est pas considéré comme une unicité, il a dit le mot en arabe, munji, c'est-à-dire qui sauve. Et n'est pas appelé une unicité qui sauve. Et la mise en évidence de cela est que leur reconnaissance de l'unicité de seigneurie ne leur a pas été utile. Elle ne les a pas fait sortir de la mécréance et ne les a pas fait entrer en islam. Et malheureusement, Cheikh il dit, ومع الأسف فإن كثير من أهل زماننا ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو ما كان قد عايشه الإمام محمد رحمه الله في عصره ويوجد في بعض الأمصار في هذا الزمان من حاله كتلك الحال أن كثير من أهل زماننا ونفذك الحال يجوز في التأنيث والتذكير Donc tu peux dire en arabe tilka al-hal ou awza zalika al-hal. Parmi les mots en arabe, il y a des noms en arabe, ils peuvent être soit masculins, en fait ils sont et masculins et féminins si vous voulez. D'accord, ils ont les deux genres. كتلك الحال أن كثيرا من أهل زماننا يظنون أن التوحيد هو اعتقاد مشاركة غير الله مع الله في الرزق والخلق والتدبير دون النظر في مسألة صرف العبادة أو العبادة لغيره فيظنون أن صرفها لغيره لا يعتبر شركا واضح. Ici on va faire un point parce que je vais revenir quand je vais parler en français. Il y a quelque chose qui a été écrit dans le Tafrir et j'ai vérifié dans l'audio, le cheikh l'a dit. Et je ne pense pas que le cheikh l'a voulu dire, il a voulu dire ce mot-là. On n'a pas eu le temps de contacter le cheikh, mais je pense que vous allez comprendre dans un instant que le cheikh il a pas voulu dire ce mot-là. Donc moi je vais traduire comment je pense que c'est correct. Après on se mettra en contact avec le cheikh, inshallah. Donc le cheikh dit, « Ma'al asaf, qala Allahu jalla wa ala, wa ma yu'minu aktharhum billahi illa wa hum mushrikoun. » Donc on a dit que, et malheureusement, beaucoup de gens à notre époque, il n'y a de force ou de puissance qu'en Allah. Et c'est ce qu'avait vécu l'imam Mohammed, qu'Allah les fasse miséricorde, à son époque. Et il y a dans certains pays des gens à cette époque-ci dont la situation est telle qui est que beaucoup de gens de notre époque pensent que l'association est de croire en l'association d'autres qu'Allah à Allah, dans le rizq et dans la création et dans la gérance, sans regarder dans ce qui concerne le fait de vouer les adorations ou l'adoration à autre qu'Allah. Vous avez compris la phrase en français? Je la répète en arabe, vous allez voir pourquoi j'ai fait la petite parenthèse. Je la répète en arabe. كتلك الحال أن كثير من أهل زماننا يظنون أن التوحيد هو ويلموس التوحيد. Mais je pense pas que c'est ça qu'il a voulu dire le cheikh ici. أن التوحيد هو اعتقاد مشاركة غير الله مع الله. Qu'est-ce qu'il a voulu dire le cheikh? C'est shirk, ça ou là? من أهل زماننا يظنون أن التوحيد هو اعتقاد مشاركة الله مع مشاركة غير الله مع الله في الرزق والخلق والتدبير دون النظر في مسألة صرف العبادات أو العبادة لغيره فيظنون أن صرفها لغيره لا يعتبر شركا. Vous avez compris pourquoi j'ai traduit par shirk au lieu de tawhid, d'accord? Donc je répète la phrase en français pour que ce soit bien compris. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, Inch'Allah. Et de toute façon, Inch'Allah, on va essayer de contacter le Cheikh ou un frère qui est proche du Cheikh, on verra, Inch'Allah. Mais je pense que vous avez compris que c'est ce qui va avec, le sens du Cheikh lui-même et la suite de sa phrase. Donc il a dit ici, et malheureusement, beaucoup de gens à notre époque, je sais ce qu'il a dit, Hafidahullah, et il y a dans certains pays de gens à cette époque-ci, dont la situation est telle qui est que beaucoup de gens à notre époque pensent que. Le Cheikh, il a dit Tawhid. On a traduit quoi par association, parce que c'est Allah Alim, c'est le Moshir qui convient ici, que l'association est de croire en l'association d'autres qu'Allah à Allah dans le rizq, et dans la création, et dans la gérance, sans regarder, c'est-à-dire toutes les affaires qui ont trait à Tawhid, al-Rububiyya, et dans la gérance, sans regarder dans ce qui concerne le fait de vouer les adorations, ou l'adoration à autre qu'Allah. Et donc il pense que l'avouer à autre que lui n'est pas du shirk, une association. Puis shirk, il dit, est-ce clair? Malheureusement, il dit le shirk. Allah le Très-Haut dit, ce dont la traduction du sens est, et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Surat Yusuf, verset 106. Yusuf, pardon, verset 106. Puis il rapporte une fa'ida d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Il dit, yaqulu al-imam Ibn al-Qayyim fa'ida nafisa fil fawa'id. هنا يتكلم رحمه الله قال فائدة جليلة هو يقول عنها جليلة وأنت تقول عنها غير جليلة ممكن لا ليس كذلك ما يصير قال فائدة جليلة مخالفة الأمر أعظم من عمل المنهي عنه. Ça c'est une règle très importante dans notre religion, ça. Et c'est de la retenir par cœur pour les frères qui comprennent un peu l'arabe. فائدة جليلة, il dit مخالفة الأمر أعظم من عمل المنهي عنه. On va la traduire, inshallah. قال هذه مسألة عظيمة لها شأن وهي أن ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب مناهي وذلك من وجوه عديدة ذكر جملة من الوجوه والذي يعنينا بهذا المقام أو يعنينا بهذا المقام أن قال الوجه السادس أن فعل المأمورات حياة القلب وغذاؤه وزينته وسروره وقرة عينه ولذته ونعيمه وترك المنهيات بدون ذلك لا يحصل له شيئا من ذلك فإنه لو ترك جميع المنهيات ولم يأتي بالإيمان والأعمال المأمور بها لم ينفع ذلك الترك شيئا وكان خالدا مخلدا في النار. قال وهذا يتبين في الوجه السابع أن من فعل المأمورات والمنهيات فهو إما ناج مطلقا إن غلبت حسناته سيئاته يعني موحد، وإما ناج بعد أن يؤخذ منه الحق ويعاقب على سيئاته فمآله إلى النجاة وذلك بفعل المأمور. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. سألت تخذك الليف أخذها هذا شابيت تخذك الليف ده كتاب التوحيد اللي يبغى نسيته. قال ومن ترك المأمورات والمنهيات فهو هالك غير ناج ولا ينجو إلا بفعل المأمور وهو التوحيد، فإن قيل فهو إنما هلك بارتكاب المحظور وهو الشرك. قال في قيل يكفي في الهلاك ترك النفس أو نفس التوحيد المأمور به، أما أمروا أن يعبدوا الله مخلص له الدين فآمنوا في باب الربوبية وكفروا وأشركوا مع الله في باب الألوهية، أليس كذلك؟ قال يكفي في الهلاك ترك نفس التوحيد المأمور به وإن لم يأتي بضد وجودي من الشرك، بل متى خلى قلبه من التوحيد رأسا فلم يوحد الله فهو هالك وإن لم يعبد معه غيره. قال أنا لا أعبد غير الله ولا أعبد الله أعوذ بالله. قال بل متى خلى قلبه من التوحيد رأسا فلم يوحد الله فهو هالك وإن لم يعبد معه غيره. فإذا انضاف إليه عبادة غيره عذب على ترك التوحيد المأمور به وفعل الشرك المنهي عنه، ولهذا كان من أشد الناس عذابا واضح. Pourquoi j'ai lu tout ça en arabe pour que, parce qu'en français, ça, vous allez voir, c'est quand même un peu technique, pour que vous ayez tout le texte en français ici, inshallah, que vous puissiez suivre. Écoutez la parole de l'Ibn Qayyim, rahimahullah, l'imam Ibn Qayyim, il dit un bénéfice important, une faïda dans son livre, Al-Fawa'id, qui porte bien son nom, qui est les bénéfices. Il parle ici, quand il fasse miséricorde, il dit un bénéfice important. Et essayez de retenir cette règle, ne fût-ce qu'en français. Et il dit à son sujet qu'il est important, et est-il possible, Cheikh al-Bukhari dit, que toi tu dises que ce n'est pas important, est-ce possible? Il dit non. N'est-ce pas? Ce n'est pas possible. Il dit un bénéfice important. La transgression de l'ordre, mukhalafatul amr, est plus grave que de commettre l'interdit. Mukhalafatul amri a'zamu min fi'lil manhi anhu. Il a dit un bénéfice important, je répète en français, la transgression de l'ordre est plus grave que de commettre l'interdit. Il dit, c'est-à-dire Ibn Qayyim, ceci est un point très important et il a une grande importance. Et c'est que le fait de délaisser les ordres est plus grave auprès d'Allah que de commettre les interdits. Et cela sous de nombreux angles. Ibn Qayyim a cité de nombreux angles, rahimahullah. Il cite un certain nombre d'angles et ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il a dit le sixième angle. Que le fait de mettre en application des ordres et la vie des cœurs et sa nutrition et sa parure, ou leur parure si vous voulez au cœur, et leur nutrition et leur joie et leur bonheur et leur plaisir et leur délice. C'est quoi ça? On a dit, on parle ici de mettre en application les ordres. C'est la vie des cœurs et leur nutrition et leur parure et leur joie et leur bonheur et leur plaisir et leur délice au cœur. Et délaisser les interdits sans cela, rien de cela ne lui arrive, car s'il délaissait tous les interdits et ne s'acquittait pas de la foi ni des actes qui ont été ordonnés, ce délaissement ne lui serait utile en rien et il serait en enfer éternellement. Il dit et cela apparaît dans le septième angle que celui qui fait les ordres et les interdits. Imaginez-vous quelqu'un qui fait les ordres, qui applique les mots d'application les ordres, mais il fait aussi quoi? Les interdits. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? Il est soit sauvé de manière absolue, si ses bonnes actions prédominent ses mauvaises actions. C'est-à-dire qu'il est sur l'unicité, il est mouahid. Soit qu'il est sauvé après que soit pris de lui le droit, et qu'il ait été châtié pour ses péchés. Et donc sa fin est vers le salut, et c'est par la mise en pratique de ce qui a été ordonné. On a déjà parlé dans plusieurs de nos cours de la position de dans la aqidah des gens de la sunna du consensus concernant ce qu'on appelle murtakib al-kabira min ahli al-tawhid, c'est-à-dire celui qui commet un grand péché parmi les gens de l'unicité, c'est-à-dire quelque chose qui ne rentre pas dans le shirk. D'accord? On avait rapporté aussi une différence par rapport au shirk akbar et au shirk asghar. Ça, on a déjà dit plusieurs fois. Et je vous allez voir pourquoi je vous rappelle ça maintenant, parce que j'avais rapporté un avis de Shira Obeid. On avait dit que le shirk asghar, Est-ce qu'il est pardonné ou pas? Vous vous souvenez de ça? On avait dit que celui qui fait le shirk asghar mais qui ne fait pas le shirk akbar, il est toujours quoi? Il est toujours musulman, d'accord. Hein? Mais on avait dit aussi que Cheikh Obeid, il avait dit, dans un de ses cours, il avait dit que le shirk asghar, il n'est pas pardonné. S'il ne s'en repentit pas avant de mourir, ça veut dire qu'il est châtié. D'accord? Cheikh Obeid, récemment, il y a quelques semaines, j'ai entendu un audio de lui qui date d'il y a quelques semaines, il a dit, je disais ça dans certains de mes cours, et j'ai changé d'avis par rapport à ça. Donc il voit maintenant que le Cheikh Asghar, il rentre comme les autres, et que c'est sous le wa'id d'Allah subhanahu wa ta'ala, la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala, sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, sous la volonté, tahtl mashi'a, sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire quoi? Que si Allah veut, il lui pardonne par rahma, et s'il veut, il le châtie par justice. D'accord? Ça va? Parce que les ulama, ils ont dit de faire, mais il a dit, et alors il y a quelqu'un qui a posé la question, c'est un frère de France qui a posé la question, il a dit, et Cheikh, est-ce que ça, on considère que c'est une divergence entre les ulama dans l'aqida ou dans l'usul ou pas? Cheikh, il a dit, non. Il a dit, il n'y a pas de divergence dans les fondements, il n'y a pas de divergence dans l'aqida chez les gens de la sunna al-jama'a. Les ulama, tous, ils sont d'accord que Cheikh Asghar, il est haram, etc. C'est juste par rapport à ce point-là, comme on a dit, qu'on vient de citer, d'accord? Pourquoi on a dit tout ça? On a dit que, on avait déjà parlé dans plusieurs de nos cours, que Murtakib al-Kabira, celui qui fait un grand péché, ce qu'on appelle entre parenthèses, comment aussi dans Sharia, al-Fasiq, al-Milli, on avait déjà dit ça dans le Sharia Nawaq al-Islam, c'est-à-dire quelqu'un qui il fait un grand péché ou des grands péchés, il est considéré toujours comme un croyant, parce qu'il a toujours la base de la foi, mais qu'il est considéré en même temps comme un Fasiq. Pourquoi? Parce qu'il a commis des grands péchés. Donc s'il meurt sans se repentir de ses grands péchés, et bien à ce moment-là, c'est quoi notre aqidah? C'est que il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on vient de dire, c'est-à-dire que si Allah in ghafara Allahu rahmatan minhu ou adabahu adlan minhu subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que s'il veut subhanahu wa ta'ala, il lui pardonne par miséricorde de lui, de sa part subhanahu wa ta'ala, et s'il veut, il le châtie par justice de sa part subhanahu wa ta'ala. Puis s'il dit le shir ici, chapitre de la présence de l'unicité et de ce qu'elle explique comme péché. Ça, c'est un titre très connu d'un livre très connu aussi, qui est Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité de Cheikh Islam Mohamed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Puis Cheikh al-Kotuni, il dit, et celui qui délaisse les ordres et les interdits est perdu, et n'est pas sauvé, et ne peut être sauvé qu'en mettant en pratique ce qui a été ordonné, et c'est l'unicité. Vous voyez le grand espoir pour les gens qui sont sur le Tawhid, même s'ils sont des grands péchés, et l'importance, d'où le titre du chapitre de Cheikh al-Islam Mohamed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. صلى الله عز وجل جعلنا من التوحيد ومن الفائزين بالجنة بالفردوس الأعلى. Il dit ici, s'il est dit qu'il n'est perdu qu'en raison du fait qu'il a commis ce qui est interdit, et c'est l'association, il est dit qu'il suffit en termes de perdition de délaisser l'unicité elle-même qui a été ordonnée. N'ont-ils pas été ordonnés de vouer à Allah une adoration exclusive? Et donc ils ont cru en ce qui concerne l'unicité de seigneurie, et ont mécru et ont associé à Allah en ce qui concerne l'unicité de divinité, n'est-ce pas? Il dit, il suffit en termes de perdition de délaisser l'unicité qui était ordonnée elle-même. Et ce même s'il ne commet pas son contraire. C'est quoi le contraire de l'unicité? Shirk, l'association. Donc, il dit, il suffit en termes, c'est important cette phrase-là, il suffit en termes de perdition de délaisser l'unicité qui était ordonnée elle-même, et ce même s'il ne commet pas son contraire. Quelle association? Mais de plus, si son cœur est vide d'unicité, alors à la base, il n'aura pas voué l'unicité à Allah, et donc est perdu, et c'est même s'il n'a pas adoré autre qu'Allah avec Allah. Il dit, par exemple, moi je n'adore pas autre qu'Allah, et je n'adore pas Allah. A'udhu billahi min dhalik, il dit, qu'Allah nous en préserve le shirk. Il dit, si son cœur est vide d'unicité, alors à la base, il n'aura pas voué l'unicité à Allah, et donc est perdu, et c'est même s'il n'a pas adoré autre qu'Allah avec Allah. Et donc s'il s'ajoute à cela l'adoration d'autres qu'Allah, il est châtié en raison de son délaissement de l'unicité qui a été ordonnée et en raison du fait qu'il a commis l'association qui a été interdite. Et c'est pour cela qu'il fait partie des gens dont le châtiment est le plus sévère. Est-ce clair, le cheikh il dit? Pour les frères qui veulent plus revoir ça, le rez à la maison, relire ça, il y a les notes, inshallah, en PDF que vous pourrez télécharger peut-être à partir de ce soir ou demain, inshallah. Al-Wajh Thalith, troisième angle, منه تعلم أي المحب خطأ من فسر كلمة التوحيد بأن معنى لا إله إلا الله هي لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله من بعض أهل الضلال والانحراف، بل تعلم منه جهل من قال أحد الدعاة الصحوة كما يقال أو مفسد الصحوة هو ألصق بهذا أن قال إن أحسن من فسر كلمة التوحيد هو سيد قطب. قال هذا الداعي، هذا الداعي ما عرف معنى التوحيد، بل هو شريك لسيد قطب في ضلاله وانحرافه، شريك ومروج له نعوذ بالله من الحول بعد الكور. يسيب زفي الحول يسي on a grave normalement c'est الحور بعد الكور. Corriger ça, c'est الحور بعد الكور. J'ai pas pu écouter l'audio, mais parce que je sais en arabe, les mashaykh qui disent c'est الحور بعد الكور. D'accord, vous avez un dua qui est très connu aussi. On va traduire ça après, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire inchallah en arabe الحور بعد الكور. فالإمام محمد هنا في هذه القاعدة أيضا يرد بهذه القاعدة الأولى على الذين يزعمون أن الشرك لا يكون إلا في توحيد الربوبية، أو على الذين يقولون بأن معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق إلا الله، فهو يرد بهذا عليهم رحمة الله عليه أو رحمه الله. إذن تقريره للقاعدة في رد على كل من فسر كلمة التوحيد بغير التفسير الصحيح لها، وهو لا معبود بحق إلا الله، أو لا يستحق أحد العبادة إلا الله، فكل من قال قول خلاف هذا فهو مردود عليه بنص القاعدة. واضح بارك الله فيكم. Troisième angle sous lequel il explique cette première règle de Cheikh al-Islam Mohamed al-Wahhab dans son livre, son épître, les quatre règles. Et par cela tu connaîtras, ayyuhal muhib, ô toi qui aimes, l'erreur de ceux qui expliquent la parole d'unicité par le fait que le sens de la ilaha illallah c'est qu'il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah, et qu'il n'y a personne qui pourvoit si ce n'est Allah, et qu'il n'y a personne qui gère si ce n'est Allah. Peut-être des fois vous parlez à certaines personnes, tu lui demandes simplement, tu dis qu'est-ce que, même certains hizbiyoun, certains secteurs, pas certains parmi les jama'at tablir, tu dis c'est quoi la ilaha illallah, la base qu'on doit tous connaître, etc. Il te répond par cette fausse explication. On peut même trouver ça des fois dans des livres. Parmi les gens, l'égarement de la déviance, mais de plus tu connaîtras par cela l'ignorance de celui qui a dit cela. L'un des prédicateurs de la sahwa. Alors attention à ce mot-là, la sahwa. Al-Sahwa al-Islamien, je ne sais pas si vous avez entendu ce mot-là, on pourrait traduire très simplement par l'éveil, un état d'éveil, Al-Sahwa. D'accord ? Ce mot-là, il faut prendre avec des pincettes. On aurait pu parler de ça, mais je vous donne une référence où Cheikh al-Fawzan il parle de ce mot-là. Et Cheikh Jamal ibn Furah al-Harifi, un Cheikh qui est aussi un élève de Cheikh al-Fawzan, il explique bien ce mot-là et pourquoi il faut être prudent avec ce mot-là. Nous, on peut le traduire simplement par l'éveil, al-sahwa, parce que beaucoup, c'est un mot qui est très courant chez les hizbines, al-sahwa. Les al-sahwa, ulama al-sahwa, du'at al-sahwa, les prédicateurs de la sahwa, les prédicateurs de l'éveil. Hein? Eh bien, il faut voir les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, avec les annotations de Cheikh Jamal ibn Furah al-Harifi, qu'Allah les préserve tous deux, au sujet de cette terminologie al-sahwa. Dans un livre que je vous recommande toujours dans mes cours, que je me recommande à moi-même, et c'est un des premiers livres qu'on a eu dans le manhaj, et c'est un livre qui nous a beaucoup aidé dans le manhaj. Et peut-être les anciens frères, yani, ils se rappellent de ce livre-là, parce que à l'époque, alhamdoulilah, peut-être que maintenant, c'est toujours le cas, certains frères donnent l'importance à ce livre, mais à l'époque, surtout quand il était sorti, yani, les frères, ils donnent une grande importance à ce livre-là. Et il nous a beaucoup aidé à comprendre beaucoup de choses, ce livre-là. Il s'appelle « La Jouibatul Mufida » an as'ilatil manhaj al-jadida » Ce que le ulama appelle l'ajouba al-mufida, de manière résumée quoi, d'accord. La question numéro 52, Cheikh al-Fawzan, il explique ça. Il dit, Cheikh al-Fawzan, je vous dis ça de mémoire, mais vérifiez, il dit, « Indi tahaffuz ma'adi al-kalima ». Il a dit, moi je suis prudent avec cette parole. Il a dit, parce que cette parole, elle dit que c'est un éveil, c'est comme si, comme Cheikh Jamal al-Furuhani dit, hein, c'est comme si, il y a un déni des activités du dachat des ulama. Et qu'eux, ils sont arrivés, ils ont fait un éveil à la communauté. Et quand on voit en fait le début de l'utilisation de ce mot-là, ça correspond au début dans l'histoire du groupe des frères musulmans. C'est-à-dire comme si, hein, ils ont mis un éveil, les hizbis, etc., alors que les ulama, quoi, ils étaient, hein, ils dormaient, ou il y a un déni de leur khair et de leurs efforts dans la da'wa, etc. Ça, c'est vraiment de manière très très résumée. Donc revenez, c'est très court, c'est très intéressant. Il y a une grande annotation de Cheikh Jamal ibn Furuhan en bas de page. Il explique bien ça, il rapporte des belles fawaïdes par rapport à ça, etc. Et sur Sahab aussi, il y a un article qui a été écrit là-dessus, où Cheikh Jamal Bounoufourahen, il remercie le frère, et il intervient, et il met justement, il dit, bah justement, j'en ai parlé dans le livre Al-Ajib al-Mufida, et il rapporte ce qu'il a dit, et certains commentaires, etc. Donc prudence avec ce mot-là, le mot quoi ? As-sahwa. Donc ici, Cheikh, il dit, regardez le mot ici qu'il dit, l'un des prédicateurs de la sahwa, comme il est dit, et vous voyez que Cheikh, de la manière dont il dit cela, ça on sent quoi, c'est hein, un blâme. Comme il dit, ou parmi ceux qui corrompent la sahwa, il a été attribué qu'il a dit, le meilleur qui a expliqué l'unicité, il a dit c'est qui ? Sayyid Qutb. Ce prédicateur a dit cela. Ce prédicateur n'a pas connu le sens d'unicité, Cheikh al-Bukhari, dit Hafidhahullah. Mais de plus, il est l'associé de Sayyid Qutb dans son égarement, dans sa déviance. On a déjà parlé, vous vous souvenez, dans Usul Sunnah, de quelques déviances graves dans l'aqidah, dans le tawhid, d'accord, de Sayyid Qutb. Vous vous souvenez, on avait cité juste les titres. Vous vous rappelez dans l'anglais, juste des titres de réfutation, hein, des livres de réfutation de Cheikh Rabi par rapport à Sayyid Qutb. Qui est d'ailleurs, Cheikh Rabi, le spécialiste mondial actuel des erreurs de Sayyid Qutb. Qu'Allah préserve Cheikh Rabi, hafidahullah, une récompense pour sa défense de la sunna. Et Cheikh Ali, son associé, est celui qui le fait valoir. Vous vous rappelez, on avait cité certaines injures envers... certains parmi les compagnons du prophète Assalam, on avait cité certaines erreurs dans l'aqida graves, etc. Son associé est celui qui le fait valoir, qu'Allah nous préserve de l'égarement après la droiture. D'accord ? Donc ici, comment j'ai traduit na'udhu billahi min al-hawri ba'da al-kawr, pardon, min al-hawri ba'da al-kawr, c'est-à-dire, les ulémas expliquent ça de différentes manières. Il y a beaucoup d'explications. Moi, j'ai résumé ça, toutes les explications, en disant « nous préserve de l'égarement après la droiture ». Tu peux dire aussi « nous préserve de la mécréance après la foi ». Ou de la déviance après l'istiqama, etc., etc. D'accord ? Et donc, l'imam Mohammed, ici aussi, dans cette première règle, réfute ceux qui prétendent que l'association ne peut être que dans l'unicité du seigneurie. Ou ceux qui disent que le sens de « la ilaha illallah » c'est qu'il n'y a de créateur qu'Allah, et qu'il ne pourvoit si ce n'est Allah, et donc il les réfute par cela qu'Allah lui fasse miséricorde. Il y a donc dans l'établissement de cette règle une réfutation contre tous ceux qui ont expliqué l'unicité par une explication autre que son explication correcte qui est. Alors retenez ça par cœur, pour les frères qui ont fait au sultanata, qui ont des... Je pense que chaque salafi au moins, il connaît, alhamdulillah, ce genre de notion. C'est quoi la ilaha illallah ? C'est la ma'bouda bihaqqin illallah. Alhamdulillah. Regardez le khair, c'est-à-dire quand même un débutant, très très débutant, peut-être quand même quelques jours dans la salafia, alhamdulillah, il connaît ce genre de Allah alhamd, hein, c'est l'une des premières choses qu'il apprend, parce que c'est la base. T'apprends c'est quoi ton tawhid, t'apprends c'est quoi ta shahada, t'apprends c'est quoi la ilallah, t'apprends, hein, les bases de ta religion, subhanallah. Il y a des gens peut-être qui donnent cours et qui écrivent des livres, ils savent toujours pas ce que ça veut dire la ilaha illallah, ils expliquent d'une manière qui n'est pas correcte. Donc la ma'bouda bihaqqin illallah. Cheikh, il a dit ici, c'est-à-dire nul n'est adoré avec vérité à part Allah, où nul n'est en droit d'être adoré à part Allah. Et donc les traductions fausses en français qu'on retrouve beaucoup dans certains livres, il n'y a de Dieu que Dieu, il n'y a de divinité que Dieu, etc. Hein? Nul n'est en droit d'être adoré à part Allah. Nul n'est adoré avec vérité à part Allah. Et donc quiconque dit une parole autre que cela, sa parole est rejetée par le texte de cette règle, qu'Allah vous bénisse. Nous arrêtons à ceci, que la prière, la salutation et la bénédiction d'Allah soient sur le messager d'Allah ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Maintenant, on a fini l'explication de cette première règle, si je m'en souviens bien. En tout cas, on va rentrer dans les questions-réponses et on va s'arrêter après les questions-réponses, Inch'Allah. Al-As'ila. Donc, c'est Inch'Allah Abdal Bukhari à Médine, il donne cours dans une mosquée, Mejid al-Ridwan, et ces questions-là, elles sont posées à la fin de chaque dars. C'est la même mosquée d'ailleurs, Cheikh Obed enseigne, ils enseignent l'un après l'autre en fait. D'accord ? السؤال قال السائل بدأ المصنف رحمه الله بالدعاء المتعلم ولم يدعو لنفسه أليس هذا خلافا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء لنفسه ثم لمن أراد الدعاء له. Première question qui a été posée à Cheikh Abdal Bukhari, celui qui pose la question dit, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a commencé par une invocation pour celui qui apprend. C'est quoi l'invocation au début du... Hein, c'est quoi ? As'alullah. Al-Azim, Rabb al-Arsh. As'alullah al-Karim, Rabb al-Arsh. Hein ? On va faire la même... l'autre fois, hein ? As'alullah, hein ? As'Allah al-Karim, Rabb al-Ashal, عظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. أي فيه ونجعلك ممن إذا أعطي شكرا وإذا طبقا زيتي تتالي وإذا وزي كتيني تبليك كشوز وإذا أعطي شكرا وإذا أحسنت وإذا ابتلي صبرا وإذا أتناب استغفرا فإن هؤلاء ثلاثة عنوان سعادة. يعلم أشرك الله أنه يجب أن يعلم أشرك الله أن الحنيفية في ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى شوف خذي بوغفي ها جزاك الله خيرا. سيعلم أرشدك الله لي لطاعته. نعم أحسنتم. دوك ici c'était quoi que n'est-ce pas contraire, c'est-à-dire qu'il a fait dua pour lui-même, il a fait dua pour celui qui apprend, il n'a pas invoqué pour lui-même. N'est-ce pas contraire à ceux sur lesquels était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui faisait l'invocation pour lui-même puis pour celui pour lequel il voulait faire l'invocation? C'est ça la question en fait, d'accord. La réponse du Cheikh Abdallah al-Bukhari hafidhahullah. الجواب لا ليس خلافا اقول ليس خلافا لا بد ان تعلم السنه حتى تحكيها فهذا ليس خلافا انما هو مسلك صحيح لا حرج فيه. Réponse du Cheikh Abdallah al-Bukhari, non, ce n'est pas contraire. Je dis que ce n'est pas contraire. Il t'est nécessaire d'apprendre la sunna avant de la rapporter. Et ceci n'est pas contraire et ce n'est qu'une manière correcte dans laquelle il n'y a aucun problème. Deuxième question, سؤال ما الفرق بين الحمد والشكر أم هما شيء واحد. Ça on avait déjà vu dans Usul Talata, Cheikh Abdallah al-Jabiri hafidhahullah, il avait rapporté en détail c'est quoi la différence entre al-hamd ou plutôt al-fawariq, les différences entre al-hamd et al-shukr. Donc la question ici, quelle est la différence entre al-hamd et al-shukr ou sont-ils une seule même chose? La réponse de Cheikh Abdallah al-Bukhari hafidhahullah, ليس بشيء واحد بل هما مفترقان فالحمد من حيث المتعلق بينهما اختلاف الحمد يكون باللسان والشكر أعم من حيث التعلق والمتعلق فإنه باللسان وبالقلب وبالجوارح راجع كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين وغيره. Non, ce ne sont pas une même chose, mais de plus ce sont deux choses différentes car الحمد concernant ceux auxquels c'est lié, ils sont différents. الحمد se fait par la langue et الشكر est plus général en ce qui concerne le rapport et ce qui s'y rapporte car il se fait par la langue. Shukr se fait par la langue, le cœur et les membres. Tandis que l'hamd se fait uniquement par l'lisan. Lis la parole de l'imam Ibn Qayyim dans Udat Sabirin et autres. C'est-à-dire qu'il t'a donné une source où tu peux aller voir plus en détail à ce sujet-là. Al-Su'al, qala شيخنا بارك الله فيكم أنا شاب حديث الاستقامة ولله الحمد ولكني مبتلى بالأخذ من لحيتي والتقصير منها فما هي نصيحتكم لي بارك الله فيكم. Question. Il dit: oh notre cher, qu'Allah te bénisse, je suis un jeune qui est nouveau sur la droiture et toutes les louanges reviennent à Allah, mais je suis éprouvé par le fait que je coupe ma barbe et je la raccourcis. Quel est donc votre conseil pour moi, qu'Allah vous bénisse? Réponse de Cheikh Abdallah al-Bukhari حفظه الله تعالى: من نعمة الله عليك أن هداك للاستقامة فاحمد الله جل وعلا صباحا ومساء في كل حين وآن احمده على الاستقامة على السنة. ومن نعمة الله عليك أن عرفك الغلط الذي وقعت فيه. من نعمة الله عليك أن عرفك هذا الخطأ الذي ذكرت. فمن نعمة الله أيضا عليك أن تستغفره مما فعلت وأن تمسك عن هذا الفعل. فتمام الاستقامة أن تكون ملازما للسنة في قولك وفعلك وهديك. واضح؟ نسأل الله عز وجل أن يطهر قلبك وقلبنا وقلوبنا بالاستقامة على السنة. Donc il dit, Cheikh Abdallah al-Bukhari, en référence à cette question, fais partie des bienfaits d'Allah pour toi qu'il t'a guidé vers la droiture. Et donc fais louange d'Allah matin et soir et à tout moment. Fais ces louanges qu'il t'a guidé vers la droiture sur la sunna. Et parmi les bienfaits d'Allah sur toi, qu'il t'a fait connaître l'erreur dans laquelle tu es tombé. Et parmi les bienfaits d'Allah sur toi, qu'il t'a fait connaître cette erreur que tu as citée. Et donc fais aussi partie des bienfaits d'Allah sur toi que tu lui demandes pardon et que tu arrêtes de faire cela. Car la complétion de la droiture est que tu sois attaché à la sunna dans tes paroles et tes actions et ta méthodologie. Est-ce clair? Nous demandons à Allah le Très-Haut qu'il purifie ton cœur et notre cœur et nos cœurs par la droiture sur la sunna. Autre question? قال هل ما كان يعرف حكما فيه خير للناس لكنه لا يستحضر الأدلة من الكتاب والسنة يمكنه أن يدلهم عليه. Question, il dit, est-ce que celui qui connaît un jugement dans lequel il y a un bien pour les gens, mais ne se rappelle pas des preuves du Coran, de la Sunna, peut le leur indiquer? Réponse du Shir. Vous vous rappelez ce qu'on a dit par rapport à le fait de connaître avec Dalil? Ben c'est ça la question à laquelle je faisais référence. La réponse, al-jawab, ala kulli hal, بيان الحق للخلق يجب أن يكون بعلم وعدل. قال الله عز وجل ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا تكلمت تكلم بعلم وإلا فاصمت بحلم. إذا رأيت خطأ لكنه قد غاب عنك الدليل فلا حرج أن تبينه بالتي أحسن، واستحضارك للدليل هو الواجب. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة وهم أولو العرفان. Ça c'est tiré de quel livre? Al-Nunya d'Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Mais l'asaf, كثير من الناس ومن الطلبة غاية علمهم أو غاية علمهم ومنتهى تحصيلهم قال فلان بس. لا شك أن مقالات العلماء لها وزنها وثقلها في شرع المطهر، إذ إنهم هم الأدلاء الحقيقيون للناس للهدى. ولكن يجب أن تعلم ما أخذ ذلك العالم إذا ما قال قولا. ما تقف قال فلان فقط، واضح؟ فتعلموا وتربوا على العلم الصحيح الأزمة أزمة علم صحيح. وما أكثر الشبه وما أكثر المشبهين على الناس، وما أكثر الذين يريدون المتشابه ويتركون المحكم تدليسا وتلبيسا على الناس والعياذ بالله. Réponse, quoi qu'il en soit, la clarification de la vérité aux gens se doit d'être faite avec science et justice. Alors le Tréhoudi, c'est dans la traduction du sens est et ne poursuit pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité, on sera interrogé. Sourate Al-Isra, verset 36. Si tu parles avec science, ou tais-toi par sagesse. Si tu vois une erreur mais que tu ne te rappelles pas de la preuve, alors il n'y a aucun mal que tu clarifies cela de la meilleure des manières et que tu te rappelles de la preuve, est ce qui est obligatoire. Puis il a cité un bait, c'est-à-dire une ligne de poésie, de la poésie de Nouniya d'Ibn Al-Qayyim rahimahullah, où il dit, en résumé, je la traduirai plus en détail plus tard inshallah dans le PDF, la science est Allah a dit, son messager a dit et les compagnons ont dit. Malheureusement, beaucoup de gens et parmi les étudiants, le summum de leur science, c'est une tarbiya que le cheikh nous donne ici, ça c'est très très important. Parce que c'est vrai que des fois certains d'entre nous ont pu nous dire, voilà un point dans la prière par exemple, c'est quoi le hukm? Le cheikh Al-Uthaymin il a dit, ah, c'est bien, mais c'est quoi le dalil? C'est vraiment important. Comme ça, on s'éduque nous-mêmes à prendre avec dalil. Mémoriser avec dalil. Au début, tu ne mémorises qu'un dalil. Comme Cheikh Mohamed Ben Hadi, il a dit, les débutants, tu ne lui donnes pas beaucoup de dalil. Tu lui donnes un ou deux dalil. Après, dans la mis'ala, tu lui donneras plusieurs dalil jusqu'au moment où il va commencer à prendre peut-être 20, 40 dalil pour une mis'ala. D'accord? Mais il faut essayer d'apprendre avec dalil. D'accord? Et les paroles des ulama, en tant que telles, ne sont pas un dalil. Les ulama, ils ont une parole très connue. Ils disent, أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها. On prouve, on argumente les paroles des savants, mais les paroles des savants ne sont pas un argument ou une preuve. Ni en tant que tel. Mais sur l'ulama, il paraît que dalil, mais en tant que tel, ce n'est pas une preuve. D'accord? Retenez cette règle. أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها. Donc c'est pour ça que nous, dès le début, et c'est pour ça, alhamdulillah, regardez, Cheikh l'Islam, Mohamed Al-Wahhab, et ça, il va revenir dans la dernière question, Cheikh Al-Bukhari, il a dit qu'il a écrit, cette épître, il l'a écrite d'une manière à faciliter au tullab. Tu prends les messaïls et tu les prends avec dalil, d'une belle manière, c'est vraiment facile, et tu prends ta religion avec dalil. Et c'est pour ça qu'il a dit, le Cheikh dans le cours, il a dit quoi? Yuridu l'imam Mohamed, rahimahullah, an yurabbiyaka ala dalil. Et c'est ça, tarbiya sahiha. C'est de respecter les ulama et d'apprendre avec dalil. Il dit, le cheikh, malheureusement, beaucoup de gens et parmi les étudiants, le summum de leur science et le fond de ce qu'ils ont appris est seulement un tel a dit. Il n'y a aucun doute que les paroles des savants ont leur poids dans la religion pure, car ils sont ceux qui orientent vraiment les gens vers la guidée. Mais il est obligatoire de connaître d'où a pris ce savant lorsqu'il dit une parole. Tu ne t'arrêtes pas à un tel a dit, c'est tout. Donc apprenez et éduquez-vous sur la science authentique. La crise est une crise de science authentique. Et comme grande est la confusion, et comme sont nombreux ceux qui portent confusion aux gens, et comme sont nombreux ceux qui veulent, ceux qui prêtent à équivoque et délaissent ce qui est sans équivoque, afin de tromper et de porter des ambiguïtés aux gens qu'Allah nous en préserve. Autre question. قال السؤال قال بعض المبتدعة كجماعة التبليغ يقولون أنتم السلفيون تنكرون علينا الأصول الستة وعندكم الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة وغيرها. Ça on a déjà entendu celle-là, je crois. Par rapport aux six sifat qu'ils ont eux, etc. Ils ont les six attributs, etc. Allah musta'an. Question. Certains innovateurs comme le groupe des Tablir disent, vous les salafis, vous nous reprochez les six fondements alors que vous avez les trois fondements, les quatre règles et autres, etc. Allah musta'an. Yani, je vais te dire parmi les groupes les plus ignorants, sarahatan. الجواب هذا الكلام يعني سقوط يعني سقوطه يغني عن إسقاطه شيخ أحمد البخاري دي سقوطه يغني عن إسقاطه هذه فرقة مبتدعة ضلال أو مبتدعة ضلال نعوذ بالله منهم نسأل الله لهم الهداية للسنة أم آتي بشبهتهم وأقول عندكم أصول من أين لكم هذه الأصول الستة من ومن ابتدعها هاتوا شيخكم الذي ابتدع هذه وانظروا على أي طريقة أو طرق كان هل كان على السنة أم كان على البدعة ثم هنا مغايرة كلية من كل وجه لم ينكر أحد من أئمة السنة وعلمائها على الإمام محمد رحمه الله أن قال وكرر وألف هذه المؤلفات وسمى هذه المسميات أليس كذلك؟ Est-ce que vous répondez qu'on dit أليس كذلك؟ Parce que t'es d'accord. Et quand t'es pas d'accord, tu dis كلا. بل يدرسونها أو عفوا يدرسونها مقرين له فيها وكلها منتزعة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراده منها تقريب العلم لأفهام الطلبة ليس إلا واضح أما أنتم فكم المنكرون لكم لا يوجد عالم واحد من علماء السنة المحضة يقركم عليها فأي الفريقين أحق بالأمن في غفان سنة بخصة القرآن فأي الفريقين أحق بالأمن. La réponse, la chute de cette parole nous exempte de la faire tomber. Une expression en arabe, tu dis, hein? C'est-à-dire, la chute de cette parole est tellement basse qu'on n'a même pas besoin de la faire tomber. D'elle-même, elle est saqita. Donc, tu n'as pas besoin de la faire tomber. La chute de cette parole nous exempte de la faire tomber. Ce groupe est un groupe innové et égaré qu'Allah nous préserve d'eux. Et nous demandons à Allah qu'il les guide vers la sunna. Mais viendrai-je avec leur ambiguïté leur dirai, vous avez des fondements? D'où vous viennent ces six fondements? Qui les a innovés? Amenez votre cheikh qui vous les a innovés et regardez sur quelle voie, ou quelle voie au pluriel, à Turuq, en référence aux voies innovées, les voies, etc., les voies soufis qui sont sur lesquelles sont établir, est-il sur la sunna ou sur l'innovation religieuse? Puis il y a une différence totale sur tous les angles. Sous tous les angles. Personne parmi les imams de la sunna et ses savants n'a reproché à l'imam Mohammed, qu'Allah lui fasse miséricorde, d'avoir dit et répété et écrit ses ouvrages. Et de les avoir nommés par ces noms, n'est-ce pas? Mais de plus, ils les enseignent en l'approuvant leur sujet. Ils sont tous pris du livre d'Allah, et de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et son attention par ses ouvrages est de faciliter la science à la compréhension des étudiants. Et rien d'autre. Est-ce clair? Quant à vous, c'est-à-dire jamais à établir, combien de gens vous ont fait des reproches? Il n'y a aucun des savants de la sunna pure qui vous approuve à leur sujet. Et dans lequel des deux parties a le plus le droit à la sécurité? Il y a encore quelques questions. Hein? سؤال قال والله يا شيخ إننا نحبك في نحب في الله أو كذا نحبك في الله لا بد يخ نحبك في الله أو كذا هذه في هذه الفترة في تونس حملة على هذا الإمام يقصد ربما الإمام محمد رحمه الله في جميع وسائل الإعلام بعدما قام بعض الأشخاص بحرق أو كذا بعض الأضرحة أو التوجيه الجواب. Réponse, question, pardon. Par Allah, ô Cheikh, nous t'aimons en Allah. Il y a actuellement en Tunisie une attaque à l'encontre de cet imam. Il veut peut-être parler de l'imam Mohammed, qu'Allah lui fasse miséricorde. C'est-à-dire, Cheikh Abdullah, c'est lui-même qui lit les questions. Dans tous les médias, après que certains ont, trois petits points, ou brûlé ou autre certains mausolées. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui sont passées, en raison de ça, eh bien, les gens ont commencé à critiquer Cheikh Al-Islam Mohammed Al-Wahhab, rahimahullah, etc. Hein, comme ça arrive dans beaucoup de pays, les Wahhabites, etc. ريبونس جواب الإمام محمد رحمه الله لا يحارب في هذه الفترة من قديم يحارب ولا زال يحارب وإذا ما أرادوا صد الناس عن الحق قالوا هؤلاء وهابية أليس كذلك؟ والإمام محمد رحمه الله هذه كتبه وهذه رسائله فمن كان عنده غير الحق الذي ذكر يتفضل ويبين ضلال الإمام محمد ودين الإمام محمد. هذا من الغفتاسون الـ plus forte que vous puissiez faire à quelqu'un qui critique les livres de Cheikh l'Islam Mohammed al-Wahhab. هل أصول ثلاثة؟ هل قول أربعة؟ هل أصول ستة؟ هل كتاب التوحيد؟ هل الشبهات؟ et tous les autres livres. جامع عبادة الله وحده. voilà tous ces livres. voilà tous ces titres. voilà toutes ces lettres. sont nous ces erreurs. تفضل. qu'est-ce qu'il a dit de mal? يتفضل يبين ضلال الإمام محمد ودين الإمام محمد الذي جاء به الجديد كما يدعون هي شين شينة أعرفها من أخزم هاي شيخ عبد الله البخاري تسبوك ديكسبريسيون سي بون بور نوتر عرب دايور شين شينة أعرفها من أخزم من قديم عادوا أئمة السنة من قديم هؤلاء المعادون لحملة الحق ودعاة الحق أهل السنة وغيرهم سلفهم في ذلك وغيرهم pardon سلفهم في ذلك الكفار فقالوا في نبي الله في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ساحر وكاهن ومجنون وكذاب أليس كذلك وقالوا في أئمة السنة بعده ينفرون كم نفروا عن أئمة السنة لكن هؤلاء الذين يريدون أن يغطوا ضوء الشمس بالغربال c'est quoi الغربال c'est un tamis trouvez moi un autre mot pour un tamis les choses que tu utilises pour tamiser, je crois, on dit. C'est un tamis. Tu sais cacher le soleil avec la tamis. Il a dit ceux-là, ceux qui critiquent l'islam al-Wahhabi et qui essaient d'éloigner les gens, de cacher ça, la vérité sur laquelle ils sont comme ceux qui essaient de cacher le soleil avec un tamis. ما يستطيعون فإنه حق على كل حال يجب أن يتبين أن تبين مناقبه بعلم وعدل ولا نجد يعني نعقد على مثل المسائل بمعنى نأتي في مكان فيه كما يقال قتال واقتتال تقيم محاضرة عن الإمام محمد بن عبد الوهاب فالحكمة تقتضي أن تتدرج مع الناس لترغبهم في الحق وأن من علماء الحق الذين يدعون إلى هذا الحق علماء كثير من الصحابة والتابعين وتمر بهم حتى تصل بهم إلى الإمام محمد وتذكر مناقب هذه الدعوة السنية وأنه ما جاء بدين جديد إذا احتيج إلى هذا واضح نعم La réponse par rapport à cette question concernant le noble cheikh, l'illustre imam Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah ta'ala. Cheikh l'islam Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah, n'est pas combattu qu'à cette époque. Il est combattu depuis longtemps. Et il n'a de cesse d'être combattu. Et s'ils veulent détourner les gens de la vérité, ils disent, ceux-là sont des wahhabis, n'est-ce pas? Et l'imam Mohammed, quand il fait une miséricorde, voici ses livres. Et voici ses épîtres. Et donc, quiconque a autre chose que la vérité qui est citée, qu'il veut bien prouver l'égarement de l'imam Mohammed. Et la nouvelle religion de l'imam Mohammed à laquelle il est venu, comme ils prétendent. Ils disent, il est venu avec un din jadid. Prouve-nous que c'est jadid. Subhanallah, vous vous rappelez de cette parole qu'on avait dit que les ulama, ils ont comparé le style des chers l'islam Mohammed dans Kitab Tawhid à quel style? De l'imam Bukhari, rahmahullah. Parce que c'est un titre de chapitre et des dalils. Titre de chapitre, dalil. Titre de chapitre, dalil. Subhanallah. كالله ريكوبونس اون بيان شيخ الاسلام محمد الوهاب رحمه الله كالله صلى الله عليه مسكينه وفسيح جناته لوي تو لي مصلحين الدعوه السلفيه il dit l'imam Mohammed quand il fasse miséricorde voici ses livres et voici ses épîtres et donc quiconque a autre chose que la vérité qui est citée qu'il veuille bien prouver l'égarement de l'imam Mohammed comme il prétend et la nouvelle religion de l'imam Mohammed avec laquelle il est venu comme il prétend et c'est une chinchinatun أعرفها من أخزم. C'est quoi شنشينة أعرفها من أخزم? C'est une expression qui dit pour toute personne qui commet une action mauvaise qu'il a hérité de ces gens. هذه شنشينة أعرفها من أخزم. Et je vous explique l'histoire pour laquelle cette expression est arrivée. La base de cette expression est que أخزم الطائي. C'est quelqu'un qui s'appelle أخزم الطائي. C'est une شنشينة que je connais de أخزم. Donc أخزم c'est un nom propre. Il était un homme désobéissant envers ses parents. D'accord? Et quand il fut mort, il laissa son père, Abu Akhzam, donc son père Abu Akhzam, il lui laissa deux fils. qui un jour ont frappé leur grand-père et l'ont fait saigner. Donc Akhzam, il avait deux fils, il est mort. Et Abu Akhzam, c'est-à-dire le grand-père des deux fils, il s'occupait des deux enfants. Et un jour, ils l'ont frappé, ils l'ont ensanglanté. Et le grand-père, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « Hadi shinshinatun a'rifuha min Akhzam ». Son propre fils à lui qui s'appelait Akhzam, il a dit ce que ses petits-fils lui ont fait. Il a dit « Hadi shinshinatun a'rifuha min Akhzam ». Ce que vous avez hérité, c'est le comportement de votre père que vous avez hérité envers moi. Votre père qui est mon fils. Qu'Allah nous accorde « Birl walidain ». Et je vous annonce, inshallah, j'avais pensé à le faire aujourd'hui après celui-ci, mais on ne va pas le faire, mais peut-être demain, inshallah, on va commencer le premier dars de l'adab al-mufrad al-Bukhari, inshallah. Et on va rapporter une introduction. En fait, adab al-mufrad al-Bukhari, c'est un livre que dans l'akhlaq. D'accord ? Suivez-le, frère. L'imam Bukhari, rahimahullah, il a écrit un livre en dehors de son sahih. D'accord ? Qui s'appelle adab al-mufrad. On va parler ça dans l'introduction, inshallah. Et c'est un livre qui s'appelle sur l'adab, justement, l'akhlaq, etc. C'est mani, voilà, c'est un trésor, frahatan. Et Cheikh Al-Albani, il a fait le sahih, il a fait le tasahih de ça, il a sorti les quelques hadiths faibles qu'il y avait, et donc il y a un da'if l'adam mufrad, il y a un sahih l'adam mufrad. Le sahih l'adam mufrad, plusieurs mashaykhs l'ont expliqué, dont Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah, et il est sorti enfin, alhamdulillah, il y a une copie là-bas dans le fond de la mosquée, il est sorti en trois volumes. D'accord ? Et c'est ça que je suis en train de traduire maintenant, et qu'on voudrait faire en cours. Mais il y a une, Cheikh Abdelazak al-Badr, il l'a fait en 162 cassettes, en 162 audios. Et dans le premier audio, il fait l'introduction de ce livre, il parle du livre, de l'auteur, et il parle de l'importance de l'akhlaq, notre religion, et il parle aussi de comment se comporter nous, en tant qu'étudiants, par rapport à l'étude de ce genre de sujet et l'étude de ce livre. Et il donne des nasaïhs par rapport à ça. Notamment le fait de faire doa, etc., etc. D'accord ? Pourquoi j'ai parlé de ça ? Parce que l'imam Bukhari commence, l'akhlaq c'est quoi ? C'est envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers son messager et envers les gens. D'accord ? Eh bien, l'imam Bukhari, rahimahullah, il commence parce que le plus important envers les gens, c'est quoi ? C'est envers qui ? Envers les parents. Ça, on va voir, inshallah. Donc, on demande à Allah Azzawajal qui nous donne, qui nous facilite birl walidain. Subhanallah, juste avant de venir au cours, j'écoutais un audio de Cheikh Mohamed bin Hadi al-Madkhali sur Sahab qui est là. Et par rapport à une question qui a été posée, où la personne dit. Yachir, comment est-ce qu'on fait pour concilier l'étude de la science, talab al-ilm, et le fait de donner le droit aux proches ? Yachir, il a dit, subhanallah, comment est-ce que tu ne peux pas concilier l'un avec l'autre, subhanallah. Il a dit, wal'adhu billah, il a dit, certains de nos frères, peut-être, ils ont difficile à donner quelques minutes pour leurs parents pour s'acquitter d'une chose aussi simple que d'aller à l'épicerie pour eux, par exemple, ou autre. D'accord ? Hein ? Et donc, il a dit, alors que peut-être ce même frère-là, il pourrait passer des heures avec certains de leurs amis. Il pourrait, pardon, ne pas faire 40 km ou 50 km avec leurs parents pour aller voir des proches et faire un wajib, aller-retour avec la visite, ça va leur faire peut-être 3 heures, alors qu'il pourrait faire 200 km pour une sortie avec des amis. Et il a dit, attention, revenez sur ça. Je l'ai tweeté aujourd'hui pour les frères qui suivent sur Twitter. Mais sur Sahab, sur la première page, aujourd'hui, c'est très court. C'est vraiment c'est une belle nasiha qu'elle a fait, Cheikh Mohamed bin Hadi. Il a dit, subhanallah, comment tu peux ne pas concilier ? Bien sûr que c'est facile de concilier. Hein ? Il a dit, voilà, par exemple, tu leur as donné ces 3 heures. Il te reste encore 21 heures. Comment tu peux ne pas concilier ? Donc on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, et c'est pour ça que je pense aussi à faire ce genre de cours-là. On a besoin de ça. Moi aussi, on a tous besoin de ça. De connaître l'importance de ces choses-là et l'importance de l'akhlaq dans notre prophète alayhi salatu wasalam, il a dit inna ma bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq, je n'ai été envoyé que pour compléter ou parachever les nobles comportements. Il y a un hadith, ça il faudrait peut-être que je le rapporte dans le cours, qui est dans Sahih al-Targhib wa al-Tarhib de Cheikh Al-Albani rahimahullah, où il dit que la personne par son bon comportement peut arriver au degré de celui qui prie la nuit et jeûne le jour. Allahu Akbar. Quand tu entends ce genre de hadith, est-ce que tu ne te sens pas que tu as envie justement d'apprendre ce qu'est l'akhlaq dans l'islam et que ce soit les bons comportements et les mauvais comportements pour s'en écarter, les bons comportements pour les appliquer. Et aussi, comme on va le voir dans le premier cours qu'on va faire, Inch'Allah, l'importance de doa. Est-ce que tu peux y arriver, que c'est Allah qui le facilite. À compléter ce livre, comme les Shir, à le comprendre, à l'étudier, à le réviser, à le mettre en application, à y appeler autrui. Tout ça, c'est un tawfiq min Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une dua du prophète alayhi salam, Allahumma inni, Allahumma hdini li ahsani al-akhlaq, fa innahu la yahdi li ahsaniha illa ant. Yani, le prophète alayhi salam disait, oh Allah, je te demande que tu me guides vers les meilleurs des comportements, car ne guide vers les meilleurs comportements que toi. Et en même temps, il disait, alayhi salam, je te demande que tu me protèges des mauvais comportements, car n'en protège que toi. Regardez le dua. Aussi, il y a une dua très connue, qui est authentique quand c'est pas restreint au fait de regarder dans le miroir. Il y a des gens, ils disent que c'est un hadith da'if par rapport au miroir, que quand tu regardes dans le miroir, tu dis Allahumma hassin akhlaqi kama ahsanta khalqi. Allahumma hassin khuluqi kama ahsanta khalqi. Oh Allah, embellit. On va revoir ça dans le cours, Inch'Allah, mais embellit mon comportement comme tu as embelli ma création. D'accord ? Cheikh Al-Albani, les ulama, ils disent que c'est authentique ce hadith, mais ce n'est pas restreint au fait que quand tu regardes dans le miroir. Donc tu le dis n'importe quoi, mais c'est pas le fait que tu dis ça quand tu regardes dans le miroir, c'est daif, c'est faible. Hein? Ce genre de hadith, regardez. Donc l'importance de l'akhlaq et des comportements, etc. Donc tout ça pourquoi par rapport à Shinshinatun, Arifuha, Min. Akhzam, At-Ta'i. Retenez, qu'est-ce qui s'est passé? Il était désobéissant vers ses parents. Il est mort, il a laissé quoi derrière lui? Deux fils. Ces deux fils, évidemment, ils sont restés avec le grand-père. C'est-à-dire le père d'Akhzam, Abu Akhzam. Et un jour, ils l'ont frappé, ils l'ont ensanglanté. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Hadi Shinshinatun, Arifuha, Min Akhzam. Maintenant, quand vous entendez Shinshinatun, Arifuha, Min Akhzam, vous savez ce que ça veut dire, des mashaykh. D'accord? On revient au contexte ici. Et donc, et cette Shinshinatun Arifuha Min Akhzam depuis l'ancien temps. Alors, c'est quelque chose qu'on connaît des gens qui étaient avant vous. Et de qui vous prenez ça, la critique de Cheikh l'Islam Mohammed Al-Wahhab, rahimahullah. Ils détestent les imams de la Sunna depuis l'ancien temps. Ces gens qui détestent ceux qui portent la vérité et ceux qui appellent à la vérité, leurs prédécesseurs en cela sont comme les mécréants qui ont dit au sujet du prophète, alayhi salatu wassalam, notre prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, qu'il était un magicien. Et un devin, et un fou, et un grand menteur, n'est-ce pas? Et ils ont dit au sujet des imams de la Sunna après lui. D'accord? D'ailleurs, dans Aqidat l'imam Sabouni, rahimahullah, il a, c'est un livre très important de l'Aqidat, expliqué par Cheikh Rabi, et publié dans son Majmu' al-Fatawa, et à part aussi. Il y a un chapitre qui est consacré aux signes des gens d'innovation. Parmi les signes des gens d'innovation, c'est quoi? Leur critique envers les gens de la Sunna. Hein? Donc ici il dit, et ils ont dit au sujet des imams de la Sunna après lui, ils font fuir. Combien ils ont fait fuir les gens des imams de la Sunna? Mais ceux-là sont comme ceux qui veulent couvrir la lumière du soleil par le tamis. Ils n'en sont pas capables car c'est la vérité. Quoi qu'il en soit, il est obligatoire que tu montres ses qualités avec science et équité. C'est-à-dire toi tu montres les qualités des Cheikh al-Islam Mohammed ibn Wahhab avec science et équité, avec adl. Et le sens de cela n'est pas que tu viennes à un endroit où il y a des combats, où les gens s'entretuent, et toi tu donnes une conférence sur l'imam Mohammed ibn al-Wahhab, car la sagesse implique que tu t'y prennes graduellement avec les gens, afin de les inciter à la vérité. D'accord? D'ailleurs, il y a une risala très connue que Cheikh Rabi a écrit, où il explique un voyage de lui au Soudan. Comment il a fait da'wah aux gens avec hikmah, et qu'il a évité de dire certains noms qui étaient pas aimés des gens parce qu'ils sont méconnus de ces gens-là, tout simplement. D'accord, regardez la hikmah, il est arrivé à son but, Cheikh Rabi. Beaucoup de gens ont pris le haq. Regardez la hikmah de Cheikh Rabi, hafidhahullah ta'ala. Et donc il dit ici, car la sagesse implique que tu t'y prennes graduellement avec les gens afin de les inciter à la vérité. Et les savants qui appellent à cette vérité sont nombreux. Des compagnons et des tabi'un, jusqu'à ce que tu arrives à l'imam Mohammed et que tu mettes en évidence les qualités de cet appel sunnite béni. Cette da'wah mubaraka sunniya salafiya. Et qu'il n'est pas venu avec une nouvelle religion si c'est nécessaire. Est-ce clair? Oui. Alors je pense que, Inch'Allah, ce sera la dernière question. Oui, c'est la dernière question, Inch'Allah. السؤال, هذا يقول نريد منكم جزاكم الله خيرا أن تجروا لنا اختبارات على كل متن فذلك أنفع للطلاب. Question, celui-ci dit, nous voudrions de vous, car la vie récompensant bien, que vous nous fassiez passer des examens pour chaque texte, chaque matin, car c'est plus bénéfique pour les étudiants. Réponse. الجواب ما الذي أدراك أنه أنفع؟ أهكذا كان علماء السنة عندما يدرسون والشيخ السنة يجرون امتحانات على الطلاب؟ ما الفائدة التي أنت جئت من أجلها؟ أنت جئت لتتعلم صحيح؟ العلم صيد الكتابة قيده، فالذي يجب عليك أنت أن تراجع وتذاكر وتستذكر دائما وأبدا. أما أجعل لك اختبارات وراسب وناجح فهذا لا أفعله ولن أفعله، أترك هذا وليس هذا بطريقة لأهل العلم، انتبه. ومن فعل فقد غير الطريقة الصحيحة كما قيل إن شاء الله، ما هذا بعشوكي فدروجي، لمن خالف السنن انتبه بارك الله فيك. أما تقول أنفع، كيف أنفع؟ حكمت أنه أنفع لعموم الطلبة؟ أنت بينك وبين نفسك، أجري لنفسك اختبارات في البيت إذا تريد، والصحيح لنفسك بس، ولا تغش ولا تغش. طيب نقف عند هذا، وصل الله وسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Dernière réponse de la dernière question. Qu'est-ce qui te fait savoir que c'est plus bénéfique? Est-ce que c'est comme cela qu'étaient les savants de la Sunna lorsqu'ils enseignaient et les chours de la Sunna faisaient passer des examens à leurs étudiants? Quel est le bénéfice pour lequel tu es venu? Tu es venu pour apprendre, est-ce correct? La science est une proie et l'écriture est un lien. Al-ilmu saydun wa al-kitabatu qayduhu. Donc ce qui est obligatoire à toi, c'est que tu révises et que tu revois et que tu mémorises toujours. Quant au fait que je te donne des examens et que tu réussisses ou échoues, cela je ne le ferai pas et je ne le ferai jamais. Délaisse cela, ce n'est pas la méthodologie des gens de science, fais attention. Et celui qui fait cela se sera différencié de la méthodologie correcte, comme il est dit, mahada bu'shuki fadruji. C'est-à-dire que ce n'est pas une chose dans laquelle tu as un droit, donc délaisse-la. Et c'est dit au sujet de celui qui s'élève au-dessus de son statut. Mahada bu'shuki fadruji. À celui qui transgresse les voies. Fais attention qu'Allah te bénisse. Quant au fait que tu dises plus bénéfique, comment serait-ce plus bénéfique? Tu as jugé que ce serait plus bénéfique pour l'ensemble des étudiants? Toi, tu es avec ta propre personne. Fais-toi des examens pour toi-même à la maison si tu veux et corrige-toi toi-même et ne triche pas. Bon, on s'arrête ici et que la prière et la salutation d'Allah soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Wallahu alam wa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.